我去弄， 我给欧，有过， 喂，别动， 哎ben ouais, tranquille, on te voit plus dehors, hein, normal, y'a le CD, l'album et tout, et y'a trop de boulot, alors ça va le CD, pas trop dur, ouais, si tu savais le boulot que c'est un truc de fou, ah, tu t'es présenté un peu, comment me présenter, oh, depuis le temps que tu me connais, eh, pas pour moi, pour les auditeurs, ah, dis-moi tout, eh ben tu t'aimes bien, et pourquoi je t'en veux bien, ben écoute ça, et voilà que mes débuts commencent le 5 juin 90, et puis dans ma vie j'avance, sans penser toucher le disque, quand je me souviens d'avant, j'aurais jamais imaginé que ce nouvel accent serait dans le rap français, j'ai fait mes premiers pas dans les quartiers nord de Marseille, car je suis né là-bas, après 9 mois de sommeil, j'ai commencé à marcher, y a dire mes premiers mots, y a commencé à râler, y a dire des gros mots, et puis à l'école primaire, bon élève et attentif, tous ces bons bulletins scolaires, où les cours sont dans mon kiff, jusqu'à là tout est parfait, mes parents sont fiers de moi, et puis dès que change de lycée, je me tape des 2 et des 3, et jusqu'ici tout va bien, on pourrait le jurer sur mes yeux, et je ne fais pas le malin, car je suis très respectueux. Oui, c'est la vie de Tino, sur l'avenir dans les mots, c'est ici que je viens vous parler, de ma carrière dans les rappels. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je représente mon 1-3, pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant vous ne direz plus ça. Eh ben voilà, t'as compris, je parle à mes auditeurs là, pour tous ceux qui me connaissaient pas. Je commence à empirer après un grand chamboulement. La nouvelle est annoncée, c'est le divorce de mes parents. Alors soudain, c'est la guerre dans ma vie et dans mon cœur. Aujourd'hui, je te parle en clair. C'est de là que vient le jeune rappeur. Tout dans ma tête, ça n'allait pas. Je pars m'aérer l'esprit en rencontrant des bons gars à ma première colonie. Mais je crois bien que c'est délire. On dirait du rire aux larmes. À la fin, c'est le martyr. Je crois que je le vois plus, c'est le drame. Mais j'ai tant de choses à dire. Mais il faut que ça s'échappe. Alors je commence à écrire et mon remède est le rap. Attends, si je me souviens bien. Je crois que c'était en février, un de ces bons matins, des rimes en février. Alors j'écoute la radio, mais je vois que ça ne me convient pas, car il y a trop de mythos qui racontent n'importe quoi. C'est ma vie, c'est la vie de Tino, sur l'avenir dans les mots, c'est ici que je viens vous parler, de ma carrière dans les rappels. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je représente mon 1-3, pour ceux qui ne me connaissent pas, maintenant. Là aujourd'hui, et je ne viens pas te cacher que mon album est mon fruit. J'ai commencé à 15 ans sans arrêter de me battre, car ma vie n'a qu'un sens, celle de toucher les bacs. Aujourd'hui, je suis mineur, je viens te parler de mon album, car il sort avec le cœur, mais je suis encore dans l'ombre. En vous parlant de ma vie, en passant par les galères, je passe un avis au MC. Ne lâchez pas le rap, mes frères. Exercez votre passion sans voir le regard des autres, et oubliez la vision que vous apportent vos potes. Pratiquez ce qu'il vous plaît sans regarder à côté, vous verrez que vous avancerez sans plus vous faire insulter. L'avenir dans les mots, je crois que c'est le nom du CD. Avis à tous les potos pour vous dire de rien lâcher. C'était le mot de la fin, l'interprète est parti. No, je me suis exprimé en vain avec mon poteau le micro. C'est la vie de Tino, sur l'avenir dans les mots, c'est ici que je viens vous parler, de ma carrière dans. Ma vie. Eh ouais.